Apocalypse, chapitre 11. Si vous voulez bien y retourner, s'il vous plaît. Mais avant, on va regarder nos images. On va résumer un petit peu ce qu'on est rendu. OK? Ça, c'est Jean, l'apôtre, qui est sur quelle île? L'île de Patmos. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en prison. C'est pas la semaine de relâche. Je ne vais pas faire ça en vacances. Il est en prison à cause du témoignage, qu'il dit. À cause du témoignage. Et là, pendant qu'il est là, Jésus va y apparaître. Puis il va s'adresser à lui, mais à travers lui, il veut atteindre l'Église. Il veut atteindre l'Église. Il va parler aux sept églises qui sont là, à ce moment-là, qui sont représentées par les chandeliers. Il veut leur parler, il veut leur dire de quoi. Et il va dire des choses pas toujours faciles à entendre, mais il veut parler à l'Église. Le verset de la Proverbe qui dit « Une réprimande ouverte vaut mieux qu'un amour caché. » C'est dire « Je l'aime, mais je ne parle pas. » C'est mieux de parler et lui dire la vérité que de ne pas parler. Que tu l'aimes. Jésus aime l'Église, il va dire à l'Église des choses, et on étudie ça, et ça s'adresse à nous autres en même temps. Ça s'adresse en même temps à nous autres qui sont l'Église aujourd'hui pour trouver des bons principes. Là, il dit à Jean, monte ici dans le ciel, il ouvre une porte, Jean va monter, et je vais te montrer ce qui doit arriver dans l'avenir. Je vais te montrer l'avenir de l'Église, l'avenir du monde. Et à travers ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on voit l'avenir? Ouais, pour encourager les chrétiens à persévérer. Il y avait un mot. Parce qu'il dit, si tu lâches, regarde ce qui va arriver à ceux qui ont lâché, puis à ceux qui n'ont pas commencé. Hein? Voici ce qui va arriver à ceux qui n'adorent pas. Quand il arrive au ciel, il voit un trône et tout le monde adore. Celui qui a créé l'avenir, celui qui a fait l'avenir du monde, l'avenir de l'Église. Et là, ils jettent leur couronne. Et là, Jésus, qui est le lion de Juda, qui est l'agneau de Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, décide de prendre le livre qui contient l'histoire du monde et de commencer, de démontrer que c'est lui qui contrôle le monde. Il contrôle tout ce qui peut arriver, de bien et de mal. Il contrôle les choses. Il ne faut jamais se mettre dans la tête que c'est le mal qui contrôle le monde. C'est Dieu qui contrôle le mal. Il ne veut pas le mal, mais il contrôle le mal. Et là, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui sont dans le ciel, les saints qui sont morts depuis tous les temps. Les autres, qu'est-ce qu'ils criaient? Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas attendre avant de nous venger? Le Seigneur, il dit quoi? Il dit, non, mais pas fini encore. Je n'ai pas fini de marquer. Je n'ai pas fini de sauver ce que je voulais sauver. Quand j'aurai fini, là, je vais amener ma vengeance. Il ne dit pas qu'il n'y en aura pas. Il va en avoir une vengeance. Mais il ne dit pas tout de suite, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini de faire ce que j'ai à faire. Et là, on voit toutes sortes de catastrophes qui sont là, dans le travail. Jésus contrôle toutes ces choses-là. C'est lui qui va emmener la fin du monde aussi, qui s'en vient. Et là, il y a les sept trompettes qui ont commencé, qui vont emmener des jugements sur la terre. Mais il dit, avant que les trompettes commencent, il faut que je finisse de marquer les 144 000 ou la grande foule qui est en arrière. Dans toute l'histoire du peuple de Dieu, Dieu a toujours marqué ses enfants. Il a toujours marqué ses enfants pour pouvoir les identifier. Non pas que lui a besoin d'être identifié, mais on a vu quoi? Une des grandes raisons que je crois personnellement qu'il identifie ses enfants, c'est pour que les anges les reconnaissent. C'est ma croyance personnelle. On a vu un texte dans Ézéchiel, hein? Il a dit à un ange, « Pense dans la ville, marque d'un sceau tous ceux qui m'appartiennent, ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et les idoles. » Puis là, il dit à deux, trois autres anges, foncez et tuez tous ceux qui n'ont pas été marqués. Donc, je crois que c'est certainement symbolique si ce n'est pas une réalité. Là, il va marquer toutes les 144 000. Peu importe, ceux qui croient que les 144 000, c'est des Juifs, ceux qui croient que les 144 000 sont le symbole de l'Église, peu importe. L'important, c'est que Dieu marque ceux qui lui appartiennent et ceux qui sont marqués ne subiront pas la colère de Dieu. Ne subiront pas les fléaux de Dieu. Parce qu'on voit, hein, quand il va commencer à envoyer des catastrophes dans le monde, il va dire aux sauterelles, qui sont comme des lions, qui sortent de l'abîme, les démons, il dit, ne touchez pas à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Donc, le sceau, c'est pour empêcher ces gens-là de toucher à ses enfants, à ceux qui lui appartiennent. Donc, on a vu que les grands, il a sorti de l'abîme. Ça, c'est le premier des grands malheurs. Vous vous souvenez? Il a sorti de l'abîme des sauterelles qui sont faites souffrir les gens pendant 6 mois. Et là, il apparaît un ange qui dit, c'est terminé, le délai est terminé, c'est la fin, Dieu va emmener la fin de ce monde. Et là, ça c'est les deux témoins qui sont représentés là avec un arbre, un olivier, des chandeliers. Okay? Et là, ces témoins-là vont venir sur la terre, ils vont tourmenter, on a vu ça ensemble, la grande tourmente, ils vont tourmenter la terre pendant un temps. Et ensuite, ça, ils sont ressuscités, ils montent au ciel. Et là, il y a un grand tremblement de terre, des gens qui meurent. Et là, c'est ce matin, on arrive à ça. Au chapitre 11, verset 15, on arrive à une vision. Jean va avoir une vision. Il va voir une femme qui a des étoiles autour de la terre, un soleil, une lune, et il y a un dragon qui est là. C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Cette partie de cette vision que Jean a. Vous souvenez-vous qu'est-ce que j'ai dit quand on a commencé à étudier l'Apocalypse? Quand on voit une image, on ne doit pas regarder trop les détails, mais de regarder l'image et dire qu'est-ce que ça me dit quand je regarde l'image à son ensemble. Parce que si je m'arrête à regarder, à tout à fait des petites images, que je me regarder, compter les étoiles, comment est-ce qu'il y en a, ça se peut que je me fourvoie dans mon interprétation. Je regarde l'image. Qu'est-ce que je vois en regardant l'image? Qu'est-ce que ça me donne comme impression? Il y a quelque chose qui... Quand Jean a vu ça, ça lui a dit de quoi? Ça lui a pas... Puis en même temps, il va entendre une voix qui va être en arrière. Donc, on va voir ça ensemble. À partir du chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à notre Christ. Il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 veillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance, pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Donc, ces 3 ou 4 versets-là résument le restant de l'Apocalypse. Il dit, le temps est arrivé, la 7e trompette va faire entrer, va ouvrir la porte sur les 7 coupes, qui vont être la coupe de la colère de Dieu. À travers ça, Dieu va emmener la fin de ce monde, à travers les 7 coupes de sa colère. Il dit, c'est le temps que tu prennes ton règne et tu vas tout détruire, ceux qui détruisent la terre, et tu vas donner la récompense à tes serviteurs. La fin est arrivée. Mais il y a encore, on n'a pas terminé, il y a quelque chose qui va nous présenter. On a vu 2 grands malheurs. Hein? Le premier, c'est quoi? Les sauterelles qui sortaient de la terre, qui ont fait souffrir la terre. Ensuite, on a eu les chevaux qui sont venus avec dans leur queue, puis en tout cas, il y avait toutes sortes de problèmes, de faire souffrir. Ça, c'était le deuxième grand malheur avec les deux prophètes, les deux témoins, qui ont fait souffrir la terre. Mais il reste un troisième grand malheur. Parce que vous vous souvenez, il a dit malheur, malheur, malheur à la terre pour les 3 autres malheurs qui s'en viennent. Il en reste un, on ne l'a pas encore vu. Là, je me suis dit à moi-même, qu'est-ce qui peut être pire que ces foutues sauterelles-là? Qu'est-ce qui peut être pire que les démons qui ont sorti entre les chevaux et qui ont fait souffrir la terre, qui ont détruit le tiers du globe, toutes sortes de souffrances terrifiantes? Il en reste encore plus que ça. Tu dis, oui, mais mal. Il y en a qui vont souffrir. Il y en a qui vont souffrir. C'est pour ça que je me dis tout le temps, il faut être bien sûr qu'on est marqué du sceau. Donc, bien sûr, il faut être marqué du sceau. Parce que si on n'est pas marqué du sceau, tout ça, c'est pour nous, pour ceux qui n'ont pas le sceau. Et là, il arrive au verset au 19, verset 1. 12, 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ils étaient enceintes, elle était enceinte, excusez, et elle criait en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes et 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et le Satan, qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. » Voilà, ça c'est le troisième grand malheur. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable est envoyé sur la terre, on pourrait dire. Hein? On disait, c'est pas le diable est en cabane. Avec tous ses anges, tous ses démons, il est en colère parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Il va s'attaquer à la terre. Et pas juste aux autres, il va s'attaquer aussi à la femme. À la femme, à sa postérité. On va voir tout à l'heure, ça nous concerne un petit peu. Et ça va être pas drôle sur la terre pendant une secousse. C'est marqué, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre et poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes d'une grande aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner, la femme, par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa prospérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Oh, mes frères et sœurs, il y a tellement de stock, mais en même temps, il y a tellement d'interprétations chez les croyants de ce texte-là. Tellement. Mais encore là, je crois que des fois, on perd le focus de la vision. Qu'est-ce que Dieu veut que l'Église comprenne? Qu'est-ce qu'il veut qu'on... Parce que dans le fond, ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut? On veut être encouragé. Donc, est-ce que ça m'encourage, la vision, ou ça me décourage? Si ça te décourage en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas compris la vision. Tu n'as pas compris, parce qu'elle n'est pas là pour te décourager. Elle est là pour t'encourager jusqu'à la mort, parce qu'ils n'ont pas craint même de mourir. Ça les rend tellement forts, hein? Ils n'ont même pas peur de mourir. Fait que si on a peur, puis que ça nous fige, puis ça nous ralentit, puis ça nous rend inactifs, parce qu'on n'a pas compris à quelque part. Si ça nous décourage, ou ça nous fait peur, ou ça nous dit, mais Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas juste, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on n'a pas compris. Parce qu'il veut nous encourager à persévérer, même si la mort se présenterait, qu'on dit, Seigneur, je suis prêt à mourir, je m'en vais dans un autre monde meilleur avec toi, et je vais régner avec toi pour l'éternité, et j'accepte cette mort-là. Vous avez le droit de dire, fais ça vite, que je meurs vite, ça se dure trop longtemps, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Le verset Jésus avait dit, avant de partir, il dit, avant que la fin vienne, les nations entières vont vous haïr, ils vont vouloir vous faire mourir. Donc il l'avait dit avant qu'il parte. Il ne faut pas être surpris de le retrouver dans l'Apocalypse, quelque part, que l'Église va être attaquée et persécutée fortement avant la fin arrive. Quand on regarde dans cette vision-là, il y en a qui ont vu cette vision-là en même temps. Vous allez vous souvenir de ça. Avez-vous déjà vu cette statue-là dans les églises catholiques? Dans les parterres, les maisons? Peut-être que vous en avez déjà eu une chez vous. Marie, avec une couronne d'étoiles, sur une lune, en train d'écraser la tête du serpent. Peux-tu avoir plus d'hérésie que ça? Marie, qui écrase la tête du serpent. Tu ne peux pas avoir plus hérétique que ça. Non? Non, mais toi, parce que tu n'es pas né catholique. Nous, on l'a vu souvent. J'ai vu ma mère avec des images, même souvent chez nous. On l'a vu dans nos écoles, ou ce que dans les écoles que j'allais, il y avait des statues comme ça, je me souviens. Je me demandais, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'elle fait avec un serpent en dessous des pieds? Je ne comprenais pas la question. Hein? Mais c'est ça, je me disais, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une affaire ronde, un ballon. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis quand j'ai lu la Bible, je me dis, c'est d'où là? Où est-ce que ça sort, cette image-là? L'Apocalypse 11, 12, je veux dire. Donc, c'est une mauvaise compréhension, mais il y a des gens qui croient hein, que cette personne-là peut représenter Marie, et qui sont, vous comprenez bien, ils sont, voyons François, allez, je vais vous dire qu'ils sont chrétiens, mais ils ne donnent pas à Marie les attributs que les catholiques leur donnent. Ils vont voir que Marie était représentée là comme étant celle qui va donner naissance à Jésus. Donner naissance à Jésus, mais pas plus pour nous. Juste comme une femme qui représenterait une femme juive qui donne la naissance. Donc, parmi les chrétiens, il y a trois façons d'interpréter cette vision-là, en partie. Il y en a qui vont dire que c'est deux façons. L'Église, c'est Israël. La femme représente Israël. Qui va donner naissance à l'enfant. Personne ne s'assiste sur l'enfant. Tout le monde sait que c'est Jésus. Et le dragon, tout le monde, il n'y a personne qui s'assiste. Tout le monde dit que c'est le diable, il est nommé. Donc, la difficulté, c'est la personne, là, la femme. Je peux vous dire personnellement, je m'en fous un petit peu. L'important pour moi, c'est que l'enfant vient au monde. C'est l'enfant qui va régner, qui va battre le dragon. C'est pas la femme. Mais la femme, il y en a qui disent que c'est Israël. Souvenez-vous de quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a eu une vision qui ressemblait un petit peu à ça. Un petit peu à ça. Il y a quelqu'un qui s'appelait, nommé Joseph, il a eu deux rêves. Hein? Dans son premier rêve, il a eu 12 gerbes de blé. Et les 11 gerbes se sont mis alentour de la gerbe qui représentait Joseph, puis ils ont adoré Joseph. Joseph a eu un autre vision, un autre rêve, et il y avait le soleil, la lune, ce qu'on a retrouvé ici, il y avait aussi 12 étoiles qui étaient là. Comme dans ce passage-là, des étoiles, une lune, un soleil, et dans la vision de Joseph, c'était le père, la mère et ses frères. Ils se sont tous prosternés devant lui, parce qu'il était pour devenir le grand chef du peuple, le chef de l'Égypte. Et donc, ils disent que cette femme-là représente l'Église. L'Église donne naissance. C'est à travers l'Église que Jésus va venir, parce que l'Église commence avec Jésus. Moi, je dirais que la femme, c'est... Je n'aurais pas misère à voir que c'est l'ensemble des deux. C'est le peuple de Dieu, tout simplement. Que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est le peuple de Dieu. Dieu... Il avait dit, de la femme va naître un homme qui va écraser la tête du serpent. Donc, de cette femme-là va naître. Et est-ce que c'est une image de ça que Dieu parle? Il parle-tu de l'image qu'il avait donnée dans la Genèse, chapitre 3? Hein? De toi va naître un homme qui va écraser la tête du serpent. Est-ce que c'est cette femme-là que ça illustre? Peut-être que oui. Mais ce qu'il est en train de dire, va sortir de son peuple quelqu'un qui va naître. Cet enfant-là va naître. Et c'est lui qui va amener la destruction de Satan, qui va mettre une fin au monde comme nous le connaissons. Donc pour moi, je n'ai pas trop de difficultés avec d'interpréter ça. Vous pouvez prendre l'Israël, à donner naissance à Jésus, mais tout à l'heure, si on dit c'est juste Israël, on a un problème avec la femme qui va protéger. Pourquoi il protège cette femme-là? Puis Israël n'a pas été protégé comme peuple. Donc c'est pour ça que moi j'embarque tout le peuple de Dieu avant et après Jésus, dans l'ensemble, Dieu protège son peuple contre le dragon. OK, dans ce sens-là. La vérité qu'on va regarder pendant les minutes qui vont suivre, c'est Dieu précipite Satan sur la terre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il y a une raison. J'ai appelé mon message un grand ménage. Le grand ménage dans le ciel. Quand j'étais catholique et j'étais jeune, pour moi, le diable était juste à une place. Il était en enfer. J'étais surpris beaucoup quand j'ai lu la Bible la première fois de retrouver Satan dans le ciel. Dans l'histoire de Job. Dieu parle à Satan, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il est à travers les fils de Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis allé me promener sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? Là, je me dis, voyons, non, je lis mal, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là, Satan, dans le ciel? Il est libre de se promener. C'est à la fin qu'il va être jeté dans le feu. Ce qu'il va être enchaîné pendant 1000 ans, après ça, il va être jeté dans l'abîme, puis il va borer la porte avec une grosse clé. Mais pour le moment, il se promène partout. Même dans le ciel. Même dans le ciel. Ça, hein, nous autres, le ciel, c'est limité à une petite place. Mais le ciel, c'est peut-être plus gros que ça, si jamais. Hein. C'est, le ciel, c'est partout ce que Dieu est. Puis Dieu est partout. Donc c'est où le ciel, vraiment, pas facile à définir comme tel. Mais une chose est certaine, le texte nous parle que Satan, ici, était dans le ciel parce qu'il va être précipité sur la terre. Et sa place n'est plus trouvée dans le ciel. Donc, la première raison pourquoi Dieu va envoyer Satan sur la terre, c'est parce qu'il a envoyé son fils pour sauver la terre. La première raison, c'est qu'il va vaincre. C'est pour vaincre Satan. La première raison, c'est pour ça. C'est que Satan va être vaincu, ou il a été vaincu par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous parle, cette femme qui vient, elle donne naissance à un enfant, et l'enfant, il va vaincre Satan, et ensuite ça, il va être retiré dans le ciel. Hein, son enfant, il était pour détruire la mer, il n'a pas pu, il a vu détruire l'enfer, il n'a pas pu, et l'enfant a été enlevé, puis il était ramené dans le trône de son père, en haut. On voit bien l'image de Jésus qui naît, et qui va monter au ciel après avoir vaincu Satan. Si je pourrais dire que Satan a été vaincu dans le sens que Jésus a, par sa mort, a vaincu le mal, a vaincu la mort, et ainsi de suite. À cause de cela, Satan n'a plus le droit de se présenter dans le ciel, il n'a plus le droit d'être là. Jusqu'à temps que Jésus n'a pas été mort et sur la croix, Satan avait encore le privilège de se promener et de se présenter là. Mais par la mort de Jésus-Christ et sa montée au ciel, Satan n'a plus sa place là. C'est la raison pourquoi Dieu va le prendre et va l'enlever de là. Vous allez dire, ouais, ça a plus du temps, ça fait 2000 ans. Il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura pas un autre 2000 ans en plus. Mais c'est par sa mort à la croix, sur cette terre, qui a gagner le droit d'enlever à Satan le privilège d'être dans le ciel. Il a enlevé ce privilège-là. C'est la première raison. Pourquoi est-ce qu'il l'envoie sur la terre? C'est parce que Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort, il a gagné le droit d'enlever Satan du ciel et de l'enfermer pour toujours. Alors, vous allez dire, c'est passé une période de temps? Oui, c'est correct. Mais c'est à ce moment-là qu'il va le précipiter sur la terre et de la terre, il va l'envoyer dans l'abîme et de l'abîme, il va l'envoyer dans l'enfer. Il va fermer le trou, fini. OK? Pourquoi? Première raison, c'est parce que Jésus était établi comme fils sur le trône de Dieu et Satan n'a plus le droit d'être là dans ce moment-là. Deuxième, versets 7 à 9, la deuxième raison, parce que Dieu ne veut plus Satan dans le ciel. C'est drôle, hein, que ça a pris une guerre. Moi, ce que je trouvais d'autre, c'est souvent en disant, il y a un monde parallèle à notre monde qu'on n'est pas conscient. On va le voir dans d'autres passages de la Bible. Il y a une guerre qui se passe, qui est spirituelle, qu'on n'a aucune conscience, nous autres, les êtres humains. Ah, vous avez déjà vu, lu le livre « Le monde des ténèbres » c'est un chrétien qui a écrit ça. C'est un livre, c'est un roman, science-fiction, chrétienne, où est-ce que le monsieur, ce qu'il fait ressortir dans son livre, c'est cette guerre spirituelle-là, dans le monde. Il parle des églises, puis il parle des chrétiens, puis du monde, mais en même temps, il fait voir par en arrière tout un monde d'anges qui se battent. C'est vraiment intéressant comment il demande. Ça nous fait, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais ça nous rend conscient qu'il y a un monde qui se passe en arrière de nous autres. Vous vous souvenez dans les livres de Daniel, à un moment donné, Michael vient pour parler à Daniel, puis il dit, j'ai été retenu pendant 3 semaines, pour 21 jours. Il dit, là il parle d'un ange qui l'a empêché de venir livrer le message à Daniel. Il y avait une guerre entre Michael et un autre. Puis il y a eu une bataille là, de spirituelle, puis il voulait empêcher l'ange de venir parler à Daniel et donner le message que Dieu voulait donner à Daniel. C'est bizarre, hein? On a de la misère à comprendre. Dieu avait fait ça, puis le message a été rendu. Tu sais. Je ne comprends pas pourquoi. Mais tout ce que je sais, c'est là. On le voit. Et là, il y a une guerre dans le ciel. Une guerre dans le ciel. Et j'avais quelques photos, je vais pouvoir les montrer. Celui-là. Bon, il y a une guerre là. C'est utilisé comme les anges, Michael, qui frappe le démon, la diable en bas, avec cela. Il y a un autre, ça c'est la femme. Alors, on va voir la femme qui a des grandes ailes. OK? Et ensuite ça, l'autre image, c'est le dragon qui envoie de l'eau pour capter la femme, mais la femme est protégée de ça. Donc, c'est juste des images que je voulais vous montrer comme ça en passant. Comme ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une guerre, et qui est-ce qui gagne la guerre? C'est les anges, Michael. Et Michael prend le démon avec tous ses anges et il l'envoie sur la terre. Il jette sur la terre. Là, je me suis demandé, pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu envoie ce temps-là? Pour moi, je vous l'ai dit à quelques reprises, ma compréhension, c'est que le temps de la grâce est terminé. Le temps de la grâce est terminé. Et Dieu va envoyer le diable sur la terre. Il y a une raison pourquoi il fait ça. Pourquoi il fait faire cette étape-là? Pourquoi il ne prend pas pour la poêle tout de suite dans l'abîme? Mais il l'envoie sur la terre. Il y a une raison pour ça. D'abord, il dit au verset 10 et 11, il dit, je ne veux plus l'avoir comme accusateur dans le ciel. Pendant le temps de l'Église, qu'est-ce qu'il fait, Satan? Il semble que... Il me semble qu'il y a un siège aux côtés de Dieu, puis il est assis là, puis il passe son temps là. On dirait qu'il y a un siège aux côtés de Dieu, puis il est tout le temps là. Moi, souvent, j'ai pensé qu'il était à côté de moi, des fois, il venait me tenter. Je ne pense pas que ça s'occupe d'un petit crétin comme moi. La Bible nous semble le présenter plutôt qu'il est aux côtés de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il accuse les enfants de Dieu. C'est un accusateur. Oui, voilà, c'est ça que j'entends. C'est Sharon qui fait ça, là. Elle fait des petits... Tout le monde va entendre ce que tu as fait, là. Il y a un accusateur, il accuse les enfants de Dieu. Vous vous souvenez quand il est arrivé auprès de Dieu avec Job, qu'est-ce qu'il a fait avec Dieu? Pareil comme si Dieu ne savait pas ce qui se passait. Qu'est-ce qu'a fait Satan? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu par rapport à Job? Voilà. Il dit, il t'aime, il te sert, il t'adore. Oui, oui, c'est parce que tu as donné une bonne santé, une belle femme, 7 beaux enfants, et il a de l'argent plein poche. C'est pour ça qu'il t'adore. Si tu enlèves ça, il ne t'adorera plus. Il dit, oh, bah, Dieu dit, OK, vas-y donc, enlève du tout ça. Mais tu ne touches pas mon job. Tu ne touches pas mon serviteur job. Hey, il perd tout, ses 16 enfants meurent d'un coup sec. Hey, il n'était pas drôle, là. C'est toute une aventure qui s'est passée là. Et en plus, sa femme qui écrit des bêtises. Il dit, moi, j'aurais dû enlever sa femme. Il a laissé sa femme, elle écrit des bêtises. Pourquoi? Satan l'a laissé là, il savait ce qui se passerait. Elle deviendrait un argument pour s'en servir, pour décourager Job et qu'il lâche finalement. Elle dit, maudit Dieu, puis meurt! Arrête ça! Job dit non. Oh, il a argumenté, Job lui a posé des questions. Il a toujours gardé sa foi en Dieu. Ici, Job, ce qu'il nous présente ici, Satan continue à faire la même chose. Il parle de vous et de moi. Moi, ça, j'en viens à chair de poule presque sur le dos. Dans le ciel, Dieu parle de moi avec Satan. C'est intéressant de penser ça, hein? C'est intéressant de penser ça. Que Satan m'accuse. Mais sur l'autre bord, mettant Satan à gauche, moi, mais de l'autre côté, il y a un autre siège, il y a une autre personne d'assis là, c'est qui? Jésus, mon avocat. Là, Job parle, il dit, François, Jésus, c'est l'autre bord. Papa, François est correct. Parce que tu sais, je l'ai recouvert de mon sein, hein? Il a cru en moi, il a confiance en moi. Il est pur, il est correct, il est saint. Alors, je sais qu'il n'est pas toujours drôle, il n'est pas toujours facile à endurer, mais je l'ai lavé par mon sein. Mais ça, êtes-vous capable d'imaginer ça, un peu, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Là, on est le sujet de conversation céleste. Ah, c'est facile à déménager demain. On sait tout ce qui se passe. Non, mais c'est de voir la raison, hein, de voir qu'il y a tout un argument dans le ciel entre Dieu, Satan, Jésus, à notre sujet. À notre sujet. Et là, Dieu, il dit, c'est vrai comme s'il dirait à Satan, c'est fini, j'en ai assez entendu. C'est fini. Va-t'en bas, c'est fini. Tu ne vas plus jamais parler de mes enfants, c'est fini. Tu as eu ton temps, tu as eu ton époque, tu as eu ta durée, c'est fini. Maintenant, tu descends en bas, sur la terre, et c'est fini pour toi. Tu n'as plus ta place dans le ciel. Tu vas arrêter d'accuser mes enfants à tort et à travers. Il dit au verset 11, ils sont victorieux, ils ont gagné à cause de quoi? Qu'est-ce qui nous rend victorieux? Il dit au verset 11, le sang de l'agneau, il dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il dit, ici, attention là, il dit, à cause du sang de l'agneau, à cause de leur témoignage, il ne parle pas d'évangélisation ici, il parle de quoi? Leur profession de foi, à cause de ce qu'ils déclarent, ils sont des croyants. À cause de leur témoignage qui rend que je suis le Messie, que je suis le Fils de Dieu, que c'est moi qui ai sauvé le monde, à cause de leur témoignage, de leur déclaration, à cause de ça, qu'ils ont vaincu Satan et toute sa gang, ils ont vaincu le monde avec Jésus-Christ, ils ont vaincu à cause de ça. Il n'y a rien en nous, mes frères et sœurs, qui peut nous donner une certaine victoire de quoi que ce soit. Rien. Je vais vous donner un conseil, ne dites jamais à Dieu qu'est-ce que vous avez fait. Hein? Vous n'avez rien fait. C'est tout lui qui a fait. Hein? Si on ose dire à Dieu qu'on a fait de quoi pour mériter le ciel, on n'y rentrera pas. Si on ose dire à Dieu, voici moi j'ai... Non, tu n'as rien fait. Hein? Sans moi, tu ne vas pas rien faire, donc tu ne peux pas te vanter de quoi que ce soit. Et l'apôtre Paul dit, pourquoi te vantes-tu si tu as tout reçu? Hein? Pourquoi te... Tais-toi. Donc, Dieu veut. Pourquoi il envoie Satan sur la terre? Ben, il dit, je ne veux plus avoir d'accusateur ici. Je ne veux plus avoir d'accusateur là. Et la dernière, il dit, il envoie, de 12 à 18, il envoie hein, Satan, afin que Satan amène le péché à son comble. Comprenez-moi bien, là. Avez-vous déjà remarqué ça dans différentes places dans l'Ancien Testament, que je vous permets de regarder mes notes. Genèse 15-16. Qui veut lire ça? Dieu attend d'emmener une fin pour le peuple d'Adoméen, de détruire le pays de Canaan, parce que le péché n'est pas rendu à son comble. Regardez l'autre de 2 Thessaloniciens 14. Qui veut lire ça? Voyez-vous, ils mettent y a une espèce de comble, de mettre le comble à. Et je crois que Satan ici va te relâcher, va t'emmener sur la terre, et il va pousser la terre à mettre un comble à son péché. Et quand le péché va être rendu à son comble, comme au temps du déluge, comme au temps de Sodome, comme au temps de différentes périodes de la vie, quand le péché va être à son comble, la colère va frapper. Et Dieu va détruire le monde. Le but d'envoyer Satan, c'est que Satan va pousser le monde à exprimer sa colère, sa haine, sa rébellion contre Dieu. Et le monde va faire ça en faisant une chose, ils vont maudire Dieu, mais ils vont s'attaquer aussi au peuple de Dieu. Ils vont s'attaquer à cette femme qu'on a vue tout à l'heure, qui représente le peuple de Dieu. Ils vont s'attaquer de cette façon-là. Si tu touches à un enfant de Dieu, tu touches à Dieu. Tu t'attaques à Dieu quand tu t'attaques aux enfants de Dieu. Ils vont exprimer leur rébellion et leur haine contre Dieu en s'attaquant au peuple de Dieu. Et ainsi, ils vont mettre leur comble à leur péché. Et c'est pour ça que Dieu va les laisser aller. Et comment ils vont faire ça? Mais la femme, ils vont attaquer la femme. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu va la protéger. Elle a un lieu préparé. C'est pas facile à comprendre. Je ne me pose pas de questions. C'est qu'il y en a un lieu, Dieu dit. Et Dieu va la protéger, cette femme-là. C'est-tu physique ou c'est spirituel? Ça ne me change rien pour moi. Peu importe, Dieu va me protéger. Si ça arrivera demain, il y a un lieu de prêt pour la femme. Dieu l'a préparé afin de la protéger contre le diable qui va venir pour la détruire. Mais il dit qu'il va aller s'attaquer à sa prospérité. Donc, c'est comme si on pourrait dire, vu que Satan va essayer de détruire l'Église, et que Lucifer va détruire l'Église, il va s'attaquer aux individus. Et non plus à l'organisme comme tel, à l'ensemble. C'est ça qu'on va voir apparaître tout à l'heure, la marque de la bête. Pour pouvoir reconnaître ceux qui appartiennent pas à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, il va dire, prends la marque. Si tu appartiens, prends la marque. Si tu ne prends pas la marque, donc il va essayer de découvrir ceux qui appartiennent à Dieu en mettant une marque sur ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas capables de les reconnaître. Mais une chose est certaine, on va voir tout à l'heure, Dieu dit qu'il va protéger. Satan va vouloir détruire la prospérité en voyant de l'eau, tout ça, ce que Dieu va la protéger, cette femme-là. Peu importe, si c'était Israël seulement, il va la protéger. Si c'était Marie, il va la protéger. Si c'est l'Église, il va la protéger aussi. Pour moi, l'important de me rappeler, Satan va venir ici. Il va venir ici pour une raison, c'est mettre une fin à ce monde. Il va mettre le comble du péché. Il va mettre les gens en colère contre Dieu. Ils vont vouloir détruire Dieu. Mais Dieu va protéger son peuple. Le péché va monter et la colère de Dieu va s'abattre. L'important pour moi, c'est que est-ce que j'appartiens à ce groupe-là? Est-ce que je fais partie de cette femme-là? Ou est-ce que je fais partie de ce groupe-là que Dieu va protéger? Et l'important, c'est de bien comprendre que juste une façon de faire partie du groupe, d'être protégé, c'est ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Tant je grand témoignage du sang de l'agneau qui est versé pour moi, pour me sauver, pour me garder, pour me purifier, je suis correct. Pour moi, ce n'est pas important si je l'ai dit il y a 25 ans. Ce n'est pas important pour moi. Est-ce que je le dis aujourd'hui? Si je le dis aujourd'hui, je suis correct. Si tu le dis il y a 25 ans et tu ne le dis plus aujourd'hui, j'aurai peur. Hein? Si je le dis aujourd'hui, est-ce que quand Seigneur Jésus va venir me chercher, ou quand Jésus va venir, ou que le démon va descendre si on est là, ou peu importe comment ça va se passer à la fin des temps, est-ce que je vais être encore en train de déclarer, je crois au Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, c'est lui mon maître, c'est lui mon Seigneur, c'est lui mon sauveur, c'est mon témoignage. Je n'ai rien d'autre pour mon salut, excepté le sang de Jésus-Christ. Tant que je dis ça, je suis correct. Tant que je dis ça, je suis correct. C'est pas tant que je vois l'Église, je suis correct. C'est pas tant que je lis ma Bible, je suis correct. Non, c'est tant que mon témoignage déclare Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. C'est ça qui fait que je suis correct. Donc, le Seigneur encourage son Église ici. Il dit, vous allez être persécutés, vous allez être attaqués, les gens vont vous haïr, le diable va s'acharner contre vous autres, mais je vais vous protéger. Je vais vous garder. Je vais vous donner la force de passer au travers. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions pour cette belle image, ce beau dessin, cette belle vision que Jean a eue, qui nous montre que ton Fils est né et qu'un jour il va régner avec une verge de fer et qu'il va mettre une fin à Satan, à tous ses démons et à tous ceux qui le servent. Merci que tu nous promets par cette belle image, que tu vas nous protéger, que tu as un lieu préparé pour nous, que les anges dans le ciel travaillent pour nous. On peut se réjouir et être en paix, malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce que les hommes peuvent dire, malgré tout ce que les gouvernements peuvent faire, malgré toutes les menaces qui pourraient peser contre l'Église, contre tes enfants. Nous voulons garder la foi en toi, parce que tes paroles sont vraies. Le jour vient, ta colère va s'abattre, et tu vas venir nous chercher, et tu vas nous emmener avec toi, dans ces nouveaux cieux, nouvelles terres, afin qu'on puisse te glorifier et t'adorer pour l'éternité. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Ok, on va se lever, puis on va chanter un dernier cantique sur les biens. Tu es Seigneur. À cause qu'il est Seigneur, il va pouvoir envoyer Satan, le battre. Ouais, mais... sa ceinture à peine, regarde sa ceinture à peine. Hein. La Pâque, hein? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu vas par la Pâque? Le dimanche de Pâque. C'est pas Pâque? Non. Ça n'existe pas dimanche de Pâque? Non. Mais comment ça qu'on dit que c'est le dimanche de Pâque? Bah, c'est catholique, ça. Parce que la Pâque, Jésus est mort la journée de Pâque. C'est ça. Donc, c'est mort le vendredi. Ouais. Puis, c'est la résurrection. On devrait fêter la fête de la résurrection. C'est ça qu'on dit. Pas la fête de la Pâque. Parce que Pâque... Mais ça. Ça vient de notre vieille arbitrage. Ouais, c'est ça.